policier, il a tout l'air d'un toutou très très doux et tête en l'air. Il a le nez un peu rouge et les yeux qui bougent. Nom de chien, nom de nom, nom de gadget. Quel malin, attention, il est pas bête. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur gadget. Oui, c'est lui, Finot, le chien fidèle, un peu idiot, mais qui a plus d'un tour, plus d'un gogo. Dans son sac à dos, il y a des idées, il y a des micros, il y a des filatures dans la peau. Son collier récepteur n'est pas branché sur FM 24 heures toute l'année. Il est sur l'émetteur du grand inspecteur. Quand Wawa le danger est sur leur tête, il est là à l'affût dans sa cachette. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur gadget. Oui, c'est lui Finot, le chien fidèle, un peu idiot, mais qui a plus d'un tour, plus d'un gogo. Dans son sac à dos, y a des idées, y a des micros. Il a les filatures dans la peau. Pour un chien policier, il a tout l'air d'un toutou très très doux et tête en l'air. Il a le nez un peu rouge et les yeux qui bougent. Nom de chien, nom de nom, nom de gadget. Quel malin, attention, il est pas bête. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur gadget. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur.